perigo viver. Vamos sonhar e voltar a sonhar. Quando essa mente é fértil, o teu dia há de chegar. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, sai parar. Vira, vira, vira, vira, dá um grito para o ar. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Tinha tudo combinado com as amigas no boteco essa noite. Fazer o que ele fez, meu esquema calculado com perícia, aceitar fosse quem fosse. Se rolasse algum rolê, só pra me vingar do que não superei. No meu peito, sem direito, me traí sem ter razão. Mas voltei atrás do que planejei, quando vi ele e ela frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Saudade quando ele se sentou na mesa ao lado. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Minha revanche planejada, da saudade quando ele se sentou na mesa ao lado. Noite perdida, ganhei outra recaída. Ah, noite perdida, ganhei outra recaída. No meu peito, sem direito, me traiu sem ter razão. Mas voltei atrás do que planejei, quando vi ele e ela frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado.

Et bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Et tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Fatigué un peu de la semaine, mais ça va. Moi ça va, je suis en vacances, donc pas trop fatiguée. Je connais pas le mot vacances cette année. Ah oui, c'est vrai qu'en tant qu'alternant... On n'a pas le droit à ce privilège, donc on est très content d'avoir des week-ends. Voilà, et très content d'être ici aussi quand même. Bah tout à fait, surtout que le Père Noël est passé ici. Ah bah oui, il a ramené plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux sous le sapin. Donc aujourd'hui, donc qui dit spécial, après Noël, et... avant Nouvel An. Voilà. Donc on va un peu tout faire aujourd'hui. On va vous faire gagner des cadeaux. Si vous voulez des cadeaux, parce que vous nous appelez pour avoir des cadeaux. Voilà, il faut trouver les énigmes aussi. Voilà, on va faire plein de jeux, on va faire des énigmes. J'ai pensé à d'autres jeux, mais on verra ça pendant les 3 heures qu'on a avec vous ce matin. Et on va parler de plein de chroniques un peu aujourd'hui. Je te laisse présenter celle que tu avais préparée. Celle que je vais parler aujourd'hui, c'est les faits sur les Portugais. On va parler un peu du Portugal, des traditions. Les clichés. Et voilà. Donc voilà, les ragots un peu sur les Portugais, les potins. Et toi donc moi, ça va être... tout d'abord, on va faire une petite chronique. Bon, c'est pas vraiment une chronique, mais c'est les cadeaux que vous avez reçus à Noël. Si vous avez été content, on vous laissera nous appeler, nous dire, même être en direct avec nous si vous le souhaitez, c'est possible. Et aussi, donc, ma chronique, c'est les 5, en 5, il peut y en avoir plus, moi j'en ai plus mais je ne les fais jamais, les 5 résolutions pour 2025. Donc les préparer, les noter et se mettre des défis si on y arrive, si on n'y arrive pas dans l'année, et voir ce que c'est vos résolutions, ça peut donner des idées à certaines personnes. Est-ce que tu réalises tes résolutions de l'année? Alors j'y ai un peu réfléchi, mais bon, je pense que des fois on les tient pas jusqu'au bout. Hein. Voilà, voilà. Est-ce que celles de 2024 sont résolues? Je dirais que je pourrais les reporter à 2025 certaines. Je crois que j'en ai qu'une seule qui a été et encore. Et ben là c'est l'objectif pour 2025. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu le thème de l'émission Noël à Nouvel An. Donc voilà. On commence en musique, on vous laisse finir la musique Maria Joanne et on continue un peu en musique, après on viendra vers vous pour vous faire gagner déjà un petit cadeau. Oui, on est un peu généreux dès le matin, faut être réveillé quoi. C'est exact. Thank you. se mistura, faz pegar fogo meu coração. Quem brinca com o fogo um dia pode até se queimar. Mas eu não tenho medo, é tanto desejo, é tão bom amar. Faz de mim o que quiser. Que loucura de mulher. Ai, como é linda. Ai, como é boa. Quando ela passa, todos param pra olhar. Ai, como é linda. Ai, como é boa. Mas ela é minha e com ela vou me casar. Ai, como é linda. Ai, como é boa. Quando ela passa, todos param pra olhar. Ai, como é linda. Ai, como é boa. Mas ela é minha e com ela vou me casar. Et nous avons préparé notre petite devinette. Du coup, la première devinette, c'est Philippa qui vous la posera. Mais avant ça, on va quand même s'excuser de ne pas avoir été là la semaine dernière. Tout à fait, on avait oublié de le dire, mais la semaine dernière, on n'a pas pu être là. Ah, d'un côté, heureusement qu'on n'a pas été là, parce qu'avec nos voix, vous n'aurez pas supporté. On était un peu malades. Comme par hasard, on était malades en même temps. Voilà, on s'appelle. J'ai fait « ça va ?» Elle me fait « bah j'avoue que j'ai un peu la voix enrouée, etc. » Et je l'entends, je fais « ah oui, quand même. » Et là, je fais, j'avoue que moi aussi. Elle fait, ah oui, quand même. Fais, bon, bah, on va pas, voilà. Parce c'est que ça. Moi, il toussait toutes les 5 secondes à chaque fois qu'il disait un mot. Donc, c'était même pire que moi. Donc, c'était mieux que pour nous de pas être là et pour vous aussi de nous écouter. Après, on vous aurait mis de la musique, mais c'était mieux de, vu qu'on venait préparer des cadeaux et tout, bah, le Père Noël avait préparé des cadeaux plutôt. Bah, c'était mieux qu'on soit là. Et voilà, et puis on va vous réserver quelque chose de bien aujourd'hui. Voilà. Donc le premier gâteau, cadeau. J'ai un peu faim, c'est pour ça. Le premier cadeau que nous allons vous faire gagner est un livre de cuisine avec des spécialités de Noël. Donc bon, c'est un peu passé, mais vous pouvez l'utiliser pour l'année prochaine ou pour le nouvel an. Oui. Parce que le nouvel an arrive très bientôt et donc pour manger des bons plats, desserts, entrées. Il y a de tout dans ce livre. En plus, il est très beau, je trouve. Et c'est des recettes de Noël, mais on peut les appliquer un peu n'importe quand dans l'année. Hein. Il n'y a pas vraiment de. Bah, oui, tout à fait. On mange bien surtout. Bon, il y a une des spécialités quand même à Noël qui reste à Noël. On en parlera tout à l'heure, c'était ça que j'avais oublié. Une des chroniques, c'est qu'est-ce que vous avez mangé à table? Les desserts portugais, les plats traditionnels de toute culture, toute origine. N'hésitez pas à échanger avec nous, ça nous fera plaisir. Voilà, on est là pour ça. Donc si vous le souhaitez, c'est au 02. 38, pardon. Non, je te laissais, je voulais voir parce que tu, au tout début, j'aimais bien quand j'avais des invités de dire, bah, tu connais pas de numéro. Non, alors, mais j'ai l'œil, j'ai vu qu'il était là, le numéro. Donc le 02 38 43 48 00. Donc on laisse place à Philippa pour sa petite question. Alors ma devinette, c'est donc, je suis un dessert typiquement portugais, fait à base de jaune d'œuf, virgule de sucre, de pâte, feuilletée, souvent servie pendant les fêtes. Qui suis-je ? À vous, à vos téléphones, on vous attend pour gagner le petit livre de Noël. Au 02 38 43 48 00. Contigo quero. 16.2 FM, la radio qui nous aime. Thank you. hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh, sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Só amar sem ter amor. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh, sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Só amar sem ter amor. Alors, du coup, nous avons eu déjà un premier gagnant. On est généreux, donc on continue directement dans la lancée, n'est-ce pas, Viva? Oui, on va continuer comme ça. Alors là, on a changé de poste, donc c'est pour ça que on essaye. Là, je suis en train de faire la formation un peu, s'il y va, sur tout ce qui est technique. Du coup, à zéro, ça va pas mal, mais tu peux monter un peu la musique si tu veux quand même. On apprend, t'inquiète, on fera après. Oui. Alors du coup, pour une deuxième devinette, donc toujours au même numéro, le 02 38 43 48 00. Et la devinette qu'on va poser, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Mais le cadeau est un grand cadeau pour les enfants. Donc on peut les laisser participer. Et la question c'est, je suis du grande ville du Portugal. Je suis célèbre pour mes tramways jaunes, mes ponts et mes quartiers historiques de l'Alfama. Qui suis-je? Et la réponse de la devinette de tout à l'heure, c'était... C'était les pastèges de nattes. Voilà, qui a été gagné. Donc à vous de maintenant de trouver, on répète la petite devinette. Je suis une grande ville portugaise, je suis célèbre pour mes tramways, mes ponts et mes quartiers historiques de l'Alfama. fácil encontrar um grande amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Yarará, rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Deixa-me dar, rosa, olha como a pétala pousa. Eu sei que não cheira nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade de ti. Com uma foice e com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível. Nossa mente sem água nascer uma flor na mão. Pétala, olha como ela, olha como ela. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela. Olha como a pétala pousa. Et donc on a eu une gagnante donc pour le panier des enfants. Et la réponse était bien sûr Lisbonne. Voilà, une question assez facile quand même. Oui, n'hésitez pas à participer, on va continuer les questions vers 10h, 10h05 pour tenter de gagner plus de cadeaux. Tout à fait, le prochain cadeau que je vois sur la table, c'est un coffret de bougies à faire nous-mêmes. Bah oui, avec les enfants, avec la famille. Voilà, un bon coffret. un bon coffret. Et puis même à offrir, hein, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, Noël c'est... C'est fini, mais on reçoit toujours des petits cadeaux. Bah oui, il n'y a pas besoin de Noël pour s'offrir des choses. Hein. Et toi, tu as eu des bons cadeaux ? Bah oui, franchement, je suis assez contente de mes cadeaux. Et toi, t'en as eu ? J'en ai eu pas mal, j'avoue. Le Père Noël est bien passé cette année. On va pouvoir échanger sur ça, et puis vous pourrez nous appeler pour vous dire ce que vous avez eu pour Noël. Votre cadeau préféré. Ou ce que vous auriez aimé avoir. Hein, oui, mais... ou le cadeau que vous avez détesté aussi. C'est possible. J'en connais beaucoup. J'avoue que... Cette année, pas dans mes cadeaux de Noël, mais on a fait un Santa Secret au boulot et j'avoue que il était un peu particulier le mien, quoi. Tout le monde a rigolé, j'ai rigolé. Mais voilà, quoi. Ah bah tu pourras nous raconter tout ça alors. Voilà, on vous racontera ça tout à l'heure. Donc on continue en musique et on reviendra vers 10h pour une petite devinette et après on fera une première chronique, par exemple sur les cadeaux de Noël. Voilà, on fera ça. On continue en musique.

então fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado. Mais ao lado é maravilha. Virou. Alô, gente maravilhosa, boa noite. E então eu fui mais ao lado. E então eu fui mais ao lado. E o meu coração parou. Que eu não dou. Quem gosta do beijinho no mato, abraço, faz um olho. Pra acabar a confusão e pra te fazer feliz, e pra te fazer feliz, decidi dar 10 beijinhos na pontinha do nariz. Alô, gente, obrigado pela noite de hoje. Obrigado. Alô, gente, boa noite para todos. Foi uma honra. Minha quinta, há animais até mais não. Há patos, galos e vacas, até um gato e um cão. No outro dia, fiquei tão espantado. Reparei que a vaca e o galo se tinham apaixonado. Acasalaram e nem queiram saber. Nasceu um galo com cornos, como pôde isto ser? Na minha terra todos me têm gozado, e de vaca galo todos me têm chamado. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Ai, podem crer, se não se calam vão levar. Na minha quinta há animais até mais não. Há patos, galos e vacas, até um gato e um cão. No outro dia fiquei tão espantado. Reparei que a vaca e o galo se tinham apaixonado. Acasalaram e nem queiram saber. Nasceu um galo com cornos, como pôde isto ser? Na minha terra todos me têm gozado, e de vaca galo todos me têm chamado. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Ai, podem crer, se não se calam vão levar. Epá, uma pessoa agora vai na rua, lá vai a outra e diz: ó Zé, vaca galo. Epá, isso é que eu fico furioso, pá. ali, ai vaca galo para ali. Podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Ai podem crer, se não se calam vão voar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Ai podem crer, se não se calam vão levar. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Quero e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és Et on revient pour vous faire gagner un cadeau avant notre chronique de cadeaux. Voilà, on vous gâte aujourd'hui. Bon, le Père Noël vous a gâté aujourd'hui. Donc, on va faire place à la nouvelle devinette. Vous pouvez appeler au 02 38 43 48 00. On compte sur vous là. Alors, la devinette. Je suis un mois de l'année et je suis souvent associée à un vent froid, de la neige, des décorations de Noël. Donc, je suis quel mois ? Appelez au 02 38 43 48 00. Le premier qui arrive, il gagne le coffret de bougies à créer à la maison. Et en plus, ça sent très bon. Ça sent très bon d'ici, dans la salle, ça a pris l'odeur. Voilà, la belle odeur de bougie. Thank you. espera, me espera, me espera, me dá casa, que lo ocupa. Mas que um beijo teu, tu és o meu momento. ganhar. Oh, rosa redonda, saia. Oh, rosa redonda, vem. Oh, rosa redonda, saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela vai ter. Oh, rosa redonda, saia. Para toda a gente ver. Rosinha, vem ter comigo. Deixa a mãe que te criou. Oh, rosa redonda, saia. Oh, rosa redonda, vem. Oh, rosa redonda, saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela vai ter. Oh, rosa redonda, saia. Para toda a gente ver. En train de préparer les cadeaux, on a eu plein de gagnants. Voilà, on a eu plein de gagnants ce matin. Du coup, on a fait gagner le coffret ainsi que d'autres cadeaux que nous avons ici sous le sapin. Mais on en a encore. Mais on en a encore plein, on en a encore plein. Donc, à vos téléphones. Hein. Voilà. Là, on va pas vous faire gagner un cadeau. On va parler de cadeaux. Mais le prochain cadeau qui a gagné, c'est un coffret sans bon senteur. Donc, avec une bougie, un sans bon et une petite plante aussi, au passage. Donc, si vous voulez gagner, restez bien à l'écoute pour la prochaine question. Alors, donc, on va parler un peu de cadeaux. Donc, la chronique cadeau, on va dire déjà nous ce qu'on a eu. Et on va vous laisser aussi nous appeler, dire les cadeaux que vous avez eus, ceux que vous avez adorés et ceux que vous avez attendu ça avec impatience. Et ceux que vous attendez pas du tout. Pas du tout, mais qui sont originales et drôles et que vous aimez bien. Ou ceux que vous détestez aussi, vous pouvez dire en secret. Ça peut être marrant. Le Père Noël du Radio Cancel le garde pour l'année prochaine. Voilà. Bon, on va te laisser l'honneur de commencer. Alors, donc, nous dire qu'est-ce que tu as eu comme cadeau qui t'a le plus... Moi, j'ai eu, comme cadeau... pour la petite anecdote, j'ai eu un manteau The North Face et ma mère de base elle m'avait pas du tout acheté ça. Elle m'avait acheté un autre manteau et je savais pas ce qu'elle m'avait offert avant. Et on passe devant, elle dit oui tu trouves joli ce manteau. Et moi je dis ah non pas du tout. Et mais je savais pas que c'était ce qu'elle m'avait acheté. Et je dis non moi je préfère celui-là, il est super joli. Et au final une semaine avant Noël elle a changé son cadeau. Alors ça s'appelle de la technique quand même. Est-ce que tu l'aimes? Oui, il est beau, non? Non, bah du tout. Ah ok, mince. On recommence. Bon, bah le Père Noël a dû changer le cadeau alors. Voilà, la pauvre, elle a dû tout changer au dernier moment. Non mais quand même, t'aurais pu faire un effort. Je ne savais pas. T'aurais pu faire genre, bah oui, il est beau. Hein. Alors, et du coup pour moi, mon cadeau que j'attendais, en fait j'en ai eu beaucoup que j'attendais et que je les ai eus. Mais j'ai eu un tourne-disque du coup pour les vinyles. C'est une petite passion que j'ai eue, du coup j'en ai un peu partout dans la chambre, avec plein d'artistes qui sont exceptionnels. Bah, après j'ai eu des, du coup j'avais dit quand on avait écrit ici, on avait dit ouais quel est le cadeau qu'on va offrir les humoristes. Ah bah j'en ai eu le droit à deux. C'est génial. Donc franchement c'était plutôt pas mal. Après plein d'autres cadeaux et voilà, donc, qui me tiennent à cœur aussi, ainsi que donc, plein de choses à faire. Bah du coup t'as été gâtée. Voilà, j'ai été gâté. On va dire que j'ai été sage. Cette année, le Père Noël, j'étais sur la liste verte. Et vous, quels étaient vos cadeaux préférés? Donc, soit vous pouvez nous l'écrire aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux avec Philippa. Donc, c'est avec -vous-radio. On va changer aujourd'hui, on va faire plein de posts. Donc, soyez à la page pour regarder ce qu'on prépare aussi. Parce que du coup, on est à l'antenne, mais on fait aussi partout, on court un peu partout, quoi. Voilà, on est à la fois sur les réseaux sociaux et à l'antenne. Tout à fait. Et on va chanter un petit peu. On va changer le logo parce qu'il fait pas assez de Noël pour moi. Mais je devais changer depuis longtemps, mais j'ai, voilà. Un petit contretemps, beaucoup de contretemps. Mais voilà. Et aussi, donc maintenant, on va parler des cadeaux un peu empoisonnés, mais qui c'était drôle. Du coup, moi, pour ma part, c'était un Santa secret qu'on a fait à l'école. Et j'ai eu une boîte de cassoulet. Donc voilà. Tu vois l'effet que ça a fait quand j'ai ouvert devant tout le monde. Ils ont dû bien rigoler. Ah, moi, j'ai rigolé. Et en fait, sur le moment, le monsieur qui me l'offre, arrive, ah, j'ai pas d'idée, c'est un cadeau vraiment nul. Je rigole, je dis, mais monsieur, vos cadeaux, ils vont bien et tout. Jour, je fais, ah ouais, quand même. Je fais, c'est original, hein, c'est original, j'avoue, c'est drôle. Mais j'aime pas le cassoulet, donc, il a tapé fort, quoi. Mais en vrai, c'était très gentil, déjà, c'est l'attention qui compte, on va dire. Oui. Mais, voilà, en tout cas, c'était hyper drôle et je regarderai un souvenir, quand même. Après, un secret de cette tasse, c'est fait pour être drôle, hein. Oui, voilà. Et toi? Moi j'ai pas encore eu mon cadeau de Secret Santa, donc je peux pas vous raconter. Mais si je peux raconter un autre cadeau de Secret Santa que j'ai reçu, c'était au lycée et il m'avait offert une crème, mais une crème déjà entamée. Ah ouais, c'est plus fort que le cassoulet, je crois. Une crème déjà entamée, donc je l'ouvre et il me dit regarde, tu pourras l'essayer, vraiment c'est super bon pour la peau et tout ça, mais enfin il y avait la moitié du pot, donc je me suis dit Les traces de doigts. Ah non, oui, tu vois. Oui, oui. C'était horrible. Je crois que je garde mon cassoulet. Je, franchement. Et moi, je te donne la crème. Non, si bah, tu veux. Franchement, tu peux la garder, je crois. Oui. Bah, du coup, je l'ai jamais utilisé. J'espère que t'as regardé la date, quoi. Ah, bah, je l'ai jamais utilisé. Désolée à celui donc, qui m'a voilà, offert. Est-ce que vous avez des petites anecdotes aussi sur des cadeaux comme ça que vous avez reçus, qui peuvent être drôles, hein, pour nous et pour tout le monde. Donc, il y a la Guillaume qui s'en allait avec moi en même temps, ça m'a fait peur. Mais du coup, on vous laisse bah, nous appeler toujours au même numéro, le 02 38 43 48 00. Vous nous appelez pour vos cadeaux bien, vos vous. Très bons cadeaux exceptionnels que vous avez eus. Bah oui, c'est pas français cadeaux bien quand même. Cadeaux bien, exceptionnels, fabuleux, racontez-nous tout. Et les cadeaux pourris, ça c'est oui, drôle. Parce que ça peut être très marrant à raconter. Donc voilà, sur cette petite chronique cadeau qu'on a parlé, c'était assez drôle quand même. Mais en parlant de cadeaux, pourquoi on en fait pas gagner encore un? Ah bah oui, on est là pour ça aussi. Pourquoi on n'en fait pas gagner encore un? Alors, la devinette. Qu'est-ce qu'on va vous poser? Ah, j'ai trouvé la devinette, c'est que tout à l'heure je l'ai posée à Philippa, et elle m'a fait « mais c'est quoi ?» Parce que je lui ai dit la réponse, elle me fait « mais je sais pas ce que c'est en fait. » Et j'ai fait « non mais quand même. » Donc à vous de savoir ce que c'est, normalement tout le monde connaît, bon, sauf Philippa. Si les Philippa sont là, essayez de dire pourquoi il y a juste Philippa qui... On vous pardonne, je vous pardonne... C'est normal. Alors, la devinette, c'est « Je suis une plante verte que l'on suspend au-dessus des portes pendant les fêtes. Je fais partie d'une vieille tradition. Si deux personnes s'y retrouvent en dessous, elles doivent s'embrasser. Qui suis-je ?» Là, tu dis pas la réponse parce que du coup... voilà. Non, je dirais pas la réponse. Donc, à vous de nous téléphoner pour gagner, du coup, le coffret senteur maison. Donc, voilà. Et nous raconter vos beaux cadeaux au passage. Au passage aussi. Donc, la question, on la répète... C'est « Je suis une plante verte que l'on suspend au-dessus des portes pendant les fêtes. Et je fais partie d'une vieille tradition. Si deux personnes s'y retrouvent en dessous, elles doivent s'embrasser. » Quelle est cette plante? Ah, ça téléphone. Vai buscar a baguete, vê lá se te pões fino e traz vinho da caminhonete. O Zé já está com os copos, ele só quer descansar. Chega o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar. A vida no Xavier não é fácil de levar. É o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos, vamos para o Xavier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o Xavier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Ali onde vá, todos para o Xavier, o Manel e o Mar. Ali onde vá, ali onde vá, todos para o Xavier, todos para o Xavier. Ali onde vá, ali onde vá, todos para o Xavier, o Manel e o Mar. Vamos, vamos para o Xavier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o Xavier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos. Para me agradar. E esta noite vai ter moqueca para o jantar. E agora estou sempre a pedir o mesmo prato. Dá-me moqueca, dá-me moqueca. O sabor é bom que eu estou sempre a repetir. E todos os dias eu quero moqueca. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de agrada. E esta noite vai ser moqueca para o jantar. E agora estou sempre a pedir o mesmo prato. Dá-me moqueca, dá-me moqueca. O sabor é bom e eu estou sempre a repetir. E todos os dias eu quero moqueca. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Até a vizinha quer provar um bocadinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. E quando ela faz, faz sempre com muito carinho. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Até a vizinha quer provar um bocadinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca. Ai, dá-me moqueca. E quando ela faz, faz sempre com muito carinho. Não há mais cama, nem mais beijos, nem nada que nos defina como um casal. Nem mesmo o tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro. E aos fins de semana, mesma música a tocar. Será que ainda me olhas desse mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim? Como te procurei, porque eu já chorei. Pelos cantos do mundo, teu nome chamei. O que eu procurei, o que eu já chorei. Tem o teu cheiro. Fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz? O café aqui em casa tem o mesmo cheiro. E aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas deste mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim? Como eu te procurei, o que eu já chorei. Pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Como eu te procurei, o que eu já chorei. Pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Eu não aguento mais, devolva a minha paz, nem que seja mentira. Pelos cantos do mundo

Et nous revoilà, nous revoilà. On a eu un peu de visite, les cadeaux ont été livrés. Ils sont arrivés, les grands gagnants sont allés récupérer leurs cadeaux. Tout à fait, on a eu en bonne compagnie. Mais on en a encore pour vous. On en a encore, donc il faut rester à l'écoute. Il est déjà 11h, donc ça est passé vite, c'est passé très très vite. Mais voilà, c'est les fêtes, c'est ça. Donc c'est au tour de Philippa pour sa chronique sur le cliché portugais. Et oui, on va parler des faits sur les portugais. Donc le premier fait, c'est l'amour pour le café. Les Portugais, vous adorez le café. Vous pouvez pas commencer une journée sans café. Et dites-moi si je me trompe, mais au Portugal, les cafés c'est un endroit quand même social où souvent c'est souvent les mêmes habitués qui vont au même café. Et souvent j'ai envie de dire les touristes se font quand même avoir parce que quand on demande un expresso là-bas. Eh ben, ils vous donnent la moitié d'un expresso, ce n'est pas un expresso. Donc si vous voulez un vrai expresso de France, bah, vous demandez un expresso long. Un expresso long, pardon. Parce que c'est très serré au Portugal. Ça se voit le vécu, je crois. Eh oui. Mais du coup, oui, c'est vrai que les Portugais et le café, c'est une petite histoire d'amour. Moins que la morue. Mais c'est un... Oui. C'est un bon signe d'amour. Et en parlant de morue et d'attachement culinaire, apparemment, la cuisine portugaise est dite l'une des plus riches et les plus variées d'Europe. Mais du coup, il y a quand même deux éléments qui restent vraiment internationaux. Enfin, tout le monde connaît ça, les pastéis de nata. C'est vraiment le flan pâtissier. Ok, moi aussi, je déteste dire le flan. Elle a dit le flan. J'ai cru que j'allais lui balancer une boule de Noël. Mais si les Français nous écoutent, si on dit ça, ça se trouve, ils pensent direct à un flan. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas un flan. Non, c'est pas un flan. Un flan, c'est plus... C'est compact. C'est pas la même chose. C'est pas aussi bon. C'est crémeux. Et c'est croustillant aussi, avec la pâte feuilletée. Et un autre plat, évidemment, la morue, je pense que c'est la star des plats portugais. Voilà. À Noël, je pense qu'elle a été sur toutes les tables. Et oui. Bon, elle y a été de deux jours, et les deux jours, c'était là. moi aussi. Et aussi les petits boulignes de bacalhau. Ça aussi, c'est très très bon. Tout est bon dans le poulet portugais. Mais oui, tout est bon au Portugal. Et puis les quantités aussi, c'est génial. Moi, j'ai été, quand on a fait notre Santa Secret à l'école, on devait tous ramener des plats culinaires de nos origines. J'ai ramené les riz au riz. Crevettes, jambon, poulet. Poulet. Jambon. Crevettes, jambon, viande. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils ont fait même pas 30 secondes. Ah, bah oui. On était évidemment une vingtaine, mais ils sont tous partis comme du pain de chemin. Même à mes 18 ans, je me rappelle, il y a une de mes amies, elle a mangé 10. Moi, j'étais en train de faire mes photos, je suis revenu, il n'y en avait plus. Moi, je sais pas toi, mais ma belle-sœur, elle peut pas voir des hérissanges, parce qu'à chaque fois, elle les tape en 10 secondes, j'ai même pas le temps d'en prendre un. Ou si j'en ai le temps d'en prendre un, je peux pas en prendre deux. Je pense que ça, c'est la folie des apéritifs portugais. Je sais pas, ça part comme du type. Hein. Et mes parents, mon père plutôt et ma belle-mère, ils m'ont détesté le jour où j'ai préparé ça. La friture que ça a fait dans la maison. Si vous passez par là, encore merci. Mais du coup, c'est ma mamie qui me les a ramenés et tout. Et je les ai fait. Alors là, mais la friture dans la maison. Tu ne seras pas à nous en emmener quand même. Je pense que je vais attendre un peu parce que sinon, je vais me faire, déshériter. Hein, parce que avec la friture, oui. Je vois l'odeur. Et sinon. Les Portugais aussi, les noms de famille comportant le « de ». Le « de », le « da », le « dos ». Da Silva. Ouais. Dos Santos. Même mon nom de famille, Coelho de Souza. Voilà. Moi, ça va, j'ai pas de Moutinho. Il n'y a pas de « de ». Il n'y a pas de « de ». Et souvent les « de », les « das », les « dos », c'est souvent... C'est, désolé si je me trompe, mais je ne pense pas. C'est souvent pour les noms longs. C'est-à-dire, Santo da Silva, il est là, ou même juste de Souza, da Silva, ils sont tous là, les deux. C'est vrai qu'on nous reconnaît souvent avec les deux da, dos. Ouais, c'est ça. Par exemple, en classe, on dit des Arrojo, des nanana. Mm-hmm. Ah, ça, ils savent directement que c'est. T'es portugais ? T'es portugais ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ensuite, t'as d'autres clichés sur les portugais ? Mmh, Je pense que c'est quelque chose d'incontournable, les dimanches. Les dimanches en famille, enfin, dimanche égale famille, égale repas en famille. Mmh. C'est vraiment... En fait, si on va pas à un repas en famille le dimanche, je pense qu'on est assez détesté quand même. Hein. Moi, ma mère, elle me crie dessus, elle me dit « T'es pas là au repas de dimanche ?» J'avoue que c'est souvent les repas de famille, souvent les dimanches. Mais après, les Français, je pense qu'ils le font moins fréquemment qu'au Portugal. Mmh. En France, je sais pas si on le respecte totalement. Bah, tout le monde. Moi, je sais qu'on y va souvent les dimanches, etc. Pas tous comme avant. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est... J'y pensais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fréquent. Oui, c'est vrai que les Portugais, ils ont vraiment cet aspect familial. Et je sais que quand on va au Portugal, vu que j'ai mes grands-parents là-bas, eh ben, on ne peut pas louper un seul dimanche. Même si, oui, au Portugal, c'est sûr qu'on ne peut pas les louper. Ah bah oui, là, c'est tous les... Faut y aller. Le dimanche, c'est principal. Hein. Tout à fait. Et ben voilà, un peu sur les... D'autres petits... Non, je pense qu'on en a dit pas mal. Hein. On a dit pas mal, mais vous aussi, si vous avez des idées sur les clichés portugais, les clichés, les... C'est quel est le mot que t'as dit? Les faits portugais, voilà. Les faits portugais, bah, n'hésitez pas à nous appeler aussi, on les note et on les dit à l'antenne, bah, etc. Oui. On va continuer en musique et on suivra avec des dédicaces qui nous ont été faits par la suite. En attendant que je prépare les dédicaces, je te laisse faire gagner un cadeau. Eh oui. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir vous faire gagner? Eh ben, surprise, on va vous faire la devinette. Donc. Alors, du coup, on vous prépare un petit cadeau surprise. Donc, vous savez pas, mais c'est un très très bon cadeau. Et du coup, alors, comme devinette, parce que du coup, on a une liste de devinettes, on est en train de regarder la meilleure. On était sur les clichés, les faits portugais. Pourquoi pas faire celle-ci, je dis. Oui. Et en plus, elle est en lien avec un événement de Radio Arc-en-Ciel. Là, je vous donne un gros indice. Ah oui, un événement arc-en-ciel qui a eu il n'y a pas très très longtemps. Alors, je suis une danse traditionnelle portugaise, pleine de passion et de rythme, souvent accompagnée de guitare et de chant. Qui suis-je? Donc, appelez au 02 38 43 48 00. Et donc, on redit la phrase au cas où. Ah, bah, c'est déjà fait. Eh oui. Bon, c'est que ça a été compris alors. Vai comer lá fora. Quem não come em casa dá pão e água. Vai comer lá fora. E quem não pisca sempre que precisa. Vai comer lá fora. Já minha avó diz. Donc, la question, c'est: je suis une danse traditionnelle portugaise, pleine de passion et de rythme, souvent accompagnée de guitare et de chant. Qui suis-je? Et un petit indice, pensez à un événement de Radio Arc-en-Ciel qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Appelez au 02 38 43 48 00. Sempre junto a mim. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco pra me envolver. minha paixão, mordendo o coração no momento, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco pra me envolver. Sempre que eu te vejo a passar por mim, não sei o que dizer, mas como eu queria que fosses minha e te beijar. O corpo de sereia me alucina, faz-me perder. És a mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero. Minha paixão, mordendo o coração no momento, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero provar. És minha paixão, mordendo o coração no momento, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero ter. Vem apagar o fogo que eu ando louco pra me envolver. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero provar. És minha paixão, ardente o coração no momento, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco pra me envolver. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero provar. És minha paixão, ardente o coração no momento, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco pra me envolver. Et on continue avec une dédicace de la part de Jérôme pour sa maman et pour nous, pour moi et Philippa. Il nous fait des gros bisous et nous remercie d'avoir été là ce matin. Alors, on lui fait des gros bisous à Jérôme et pour ça, on va écouter une musique de Chris Ribeiro, Linda Morena. We'll be right back.

tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Musique de Noël. J'ai failli couper. En fait, c'est que Philippe a chanté et j'ai commencé à mettre le micro et on a entendu, je pense que vous avez entendu un petit. C'était Philippe qui était en train de chanter, mais. Oui. Je me suis arrêtée avant pour vos oreilles. Donc, la prochaine fois, si vous voulez, je le mets en cachette comme ça, on l'entend chanter. Non, ce n'est pas une bonne idée. Alors, du coup, on a eu des appels aussi par rapport aux traditions. Traditions portugaises, les fées, mais aussi des traditions de Noël. Et de nous, plutôt de Noël en même. Alors, du coup, de la part de mamie, elle nous a dit qu'au Portugal, pour le nouvel an, il faut porter quelque chose de nouveau. Donc de neuf, jamais porté. C'est ce que tu vas faire du coup pour le réveillon. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc il faut avoir que ce soit chaussettes, pull, t-shirt, veste, manteau, collier, caleçon, tout ce que vous voulez. Mm. Vous pourrez, tant que c'est nouveau et apparemment, ça porterait bonne chance. Moi, ce que je fais, c'est une tradition espagnole. Bon, voilà quoi. Mais c'est les 12 raisins sous la table. Je mets sous la table et je mange les 12 raisins à chaque. C'est chaque coup de cloche, oui, mais c'est bon, ça. On n'a pas les cloches, du coup, c'est chaque seconde. Et du coup, c'est pour te porter chance en amour. Oui, bah, c'est compliqué ça. Ah, mince, dommage. Alors, bah, mange bon, les 12 raisins alors. Voilà, faut les manger. Je les mangerai peut-être aussi une jour. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, ça va. Parce que du coup, toi aussi, il faut manger les 12 raisins. Ah, bah, je crois bien. Ouais. Du coup, bah voilà, des petites traditions. Et aussi, elle m'a donné donc deux noms de desserts portugais. Bah, ça, je pense que tout le monde connaît. Moi, ils sont toujours à ma table. Alors, le premier, je m'excuse déjà d'avance pour la prononciation. Fais une prononciation parfaite, s'il te plaît. Bah, peut-être tu pourras vous le dire. C'est des rabanades. T'as compris ? Comment on le dit, du coup, Philippa ? Je suis pas, je ne peux peut-être pas faire mieux que toi. Ah, hein. C'est ramad. Ah, attendez. Après on rigole de moi quand même. Hein. Rabanades. Voilà. Et le deuxième, je me rappelle plus du nom déjà, mais c'est des pâtes. Letrilla. Voilà, je savais que c'était ça, mais je voulais pas le dire parce que j'avais peur de le mal dire. Et vous mangez avec de la cannelle ou sans cannelle ? Cannelle. Oh non, j'aime pas la cannelle. Mais c'est le but de la recette en fait. Ouais, mais non, moi je l'enlève. Bah, le pain perdu, tu mets aussi du coup. Tu mets aussi de la cannelle. Bah oui, mais j'en mets pas. Je mets que du sucre. Ah bah voilà. Mm. Mais donc voilà, donc des petits faits, les petits trucs qui nous ont été dit. Donc. On a fait gagner un cadeau tout à l'heure. Pourquoi pas en refaire gagner un autre en musique de Noël. Bon, on remet un peu de musique de Maria Carré de Noël. Et donc, je te laisse dire une devinette de Noël. Alors. Ouais, c'est celle-ci, c'est pas celle d'avant. Parce qu'on a une liste, donc... On a une petite liste, donc... Donc moi, je dirais de partir sur celle-là. Ok, bah pourquoi pas, allons-y. Donc, pour tenter de gagner un nouveau cadeau, on peut... Je suis... Alors, comme devinette, je suis une tradition de Noël dans laquelle on me remplit de bonbons, mais je ne suis pas un dessert. Je suis souvent suspendue à une porte ou à un arbre. Qui suis-je ? Appelez au 02 38 43 48 00 pour tenter de gagner le cadeau. Je répète la question. Je suis une tradition de Noël dans laquelle on me remplit de bonbons, de chocolat, mais je ne suis pas un dessert. Je suis suspendue à une porte ou à un arbre comme le sapin. Qui suis-je ? Appelez au 02 38 43 48 00. Bonjour. Alors, du coup, ça n'a pas marché. Alors, on a eu du coup une auditrice au téléphone qui va nous expliquer des traductions portugaises. Mais on essaye. Un petit bug, on n'a pas réussi à appeler. Mais du coup, si la dame qu'on a eu au téléphone il y a quelques minutes veut bien nous rappeler pour qu'on réessaye, pour qu'elle nous raconte des faits portugais de son village qui sont vraiment pas mal et qu'on voulait faire découvrir à tout le monde. Du coup, si elle peut rappeler du coup au 02 38 43 48 00 et du coup on va réessayer. Est-ce que vous êtes oui. Ah, ça a marché. On a réussi. Alors, du coup, on vous laisse nous raconter les faits portugais dans votre village. Voilà. Ok. Bon, moi, je suis donc de Pont-Voix de Lagnoso. Et donc, j'étais passé Noël l'année dernière. Et je n'allais pas. Enfin, ça faisait 40 ans que je ne suis pas retournée. Et bon, et dans la nuit du 31 au 1er janvier. Mmh. Les femmes, ils devaient avoir un slip bleu. Un sous-vêtement bleu. Tout le monde bleu. Voilà. Pas les hommes, hein, que les femmes. Que les femmes, d'accord. Et les hommes, ils portaient... Parce que moi-même, je vous dis, je savais pas ça. Je suis partie chercher un slip bleu. Et donc, d'accord. Je l'ai trouvé vraiment avec beaucoup de chance. Bon, ah, après... C'est très original, après, du coup, de porter... Ouais, voilà. Apparemment, on jette le slip... vieux, puis on reprend le neuf, mais il faut que ça soit bleu, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais après, on arrive à minuit, donc jusqu'à minuit, on passe au premier. Et là, on jette de la vaisselle, toute la vaisselle qu'on veut pas, que c'est la vaisselle que ça dure plus longtemps, on la casse. Donc les assiettes, on les jette par la fenêtre, verres, il y a tout le monde qui casse leur vaisselle, on envoie de fouillettes un petit peu de feu d'artifice. Ah ouais. Et puis après c'est tout, et après on mange les gâteaux et tout ça, et puis on finit la nuit un peu à jouer aux cartes, souhait, au domino, n'importe, pour passer un petit peu, et on va se coucher vers 2-3 heures du matin, voilà. D'accord, donc... Et le lendemain on ramasse tout. D'accord, bah d'accord, on jette les verres voilà. Et après on... C'est vraiment dans mon village pauvre de Lagnoso, des streets de Blague. D'accord, donc alors Philippa vient d'arriver. Bonjour. Bonjour, faut que je répète, c'est non, ça? Non, on va répondre vite fait, mais du coup, alors, les premières traditions, c'est que les femmes doivent porter un sous-vêtement bleu, un slip bleu. Mais oui, c'est vrai, ma mère me l'avait raconté. Si vous portez le matin, vous portez votre slip normal, mais quand vous arrivez le soir, il faut ce slip-là, vous le jetez, vous en mettez un bleu, vraiment un slip bleu. D'accord, et ça porte bonheur, c'est ça? Toutes les femmes, hein, parce que moi je ne le savais pas. Ma frangine, elle me dit, est-ce que tu as un slip bleu? Je dis non, c'est un peu toutes les couleurs, mais pas de bleu. Ah, il faut que tu partes en fait à chercher un slip bleu. Mmh. Ok, donc j'ai trouvé un bleu, et donc je l'ai mis le soir même. Et est-ce que vous pensez que ça vous a apporté bonheur pour cette année, alors? Bof. Bon, on recommencera. C'est plusieurs années. Parce que voilà, c'est plus dire que c'est le vieux, on le jette et on garde le neuf. Bon, après la vaisselle, on arrive à minuit. Et du coup, à minuit. Jusqu'à minuit, et on jette de la vaisselle, la vieille vaisselle, une assiette, n'importe. On la jette, on la casse, on déverre, on la casse, ça fait du bruit, tout le monde fait ça. On a deux ou trois feux d'artifice qu'on lance dans le ciel, quoi. Bref. Tout le village fait ça comme ça. Et puis après, c'est fini. Et puis après, le lendemain, on ramasse tout, quoi. C'est vrai que casser la vaisselle, on va le mettre à la casse. C'est vrai. J'ai déjà entendu parler. Bah, du coup, ce non, mais c'est marrant quand même, hein. C'est bon, vraiment marrant. À minuit, je jette toutes les assiettes. Ça change par rapport ici, parce qu'ici, pour plus tout le monde. Enfin, ça change pas beaucoup, quoi. Bah, pour oui, moi, oui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai l'impression que l'année prochaine, je repars à cette époque-là, parce que là, ici, non. Bon, bah oui, on a la famille, on est en famille. C'est pas les mêmes. Mais c'est toujours la même chose. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'est là-bas, c'est vraiment traditionnel. Et puis, tous les voisins, ils sont dehors à minuit. Ils vont dire que je te lance les affaires. Et comment vous vous appelez? Je suis Amélie Angouste. Je suis adhérente de la radio Arc-en-Ciel. D'accord, bah, merci. Je suis bénévole à la fête portugaise de la Saint-Jean. Ah oui, vous êtes allée au fado aussi? Je viens de temps en temps. Vous avez pu aller au fado aussi? Aussi, j'étais là, oui. Bah, merci beaucoup pour votre appel, Maria. On vous souhaite une très, très, très bonne journée. Je connais bien la directrice. Je connais pas mal de Manu, tout ça, je les connais aussi. C'est Radio Arc-en-Ciel, c'est la famille. Mais en tout cas, on vous remercie pour cette tradition. C'était une très belle tradition. Et bah, si d'autres personnes comme vous ont des traditions comme ça dans leur village, bah, qu'ils appellent. On peut passer en direct. C'est vraiment vrai. Moi-même, j'étais étonnée. Bah, quand j'étais gamine, mes parents, je ne connaissais pas ça. C'est franchement, qu'est-ce que vous faites? On casse la vieille vaisselle, ah bon? Bah oui. Bah, d'accord. Eh bien, écoutez, on vous remercie. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles traditions. Oui. Moi aussi, et peut-être qu'on se verra au 19, ou le jour de la galette, non? Bah oui, on sera là, nous. On est un peu les boulets. On est toujours là. Toujours là. Bon, voilà, bah, donc je viendrai aussi à la galette avec mes fils, ils veulent venir avec moi. Eh bien, on mangera une galette ensemble. Merci beaucoup, Maria, pour votre appel. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes de Nouvel An maintenant, parce que Noël s'est passé. Oui. Merci également. Bonne fête et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Et bien, on remercie du coup Maria pour cette belle tradition qu'elle nous a apporté aujourd'hui. Donc, si vous êtes comme elle et vous nous apportez des traditions, n'hésitez pas à nous appeler. Et maintenant qu'on est opérationnel, on sait comment on fait. Bah oui, alors je pense qu'avec les raisins, avec les sous-vêtements bleus, avec la vaisselle, je crois que j'en oublie une. Je pense qu'on est calé pour avoir une année 2025 en or. Moi, je dis, je fais tout. Mais alors, par contre, vous nous expliquez que les slips bleus, c'était pas pour les hommes, hein, c'était que pour les femmes. Oh mince. Donc, moi, je vais pas en porter, comme ça porterait peut-être plus chance. Hein. Ah bah, c'est dommage. C'est dommage que ce soit pas pour les garçons aussi. Bah, c'est ce qu'il nous expliquait, que dans son village, c'était que pour les femmes. Je pense que les hommes, ils ne peuvent pas mettre de sous-vêtements. Bah, tu te contrainteras de raisons. Bah, je pense qu'ils portent des sous-vêtements quand même. Bah, ou peut-être la porte-chance. De... Et bah, évite d'en porter, comme ça, ça te portera chance. Voilà. En tout cas, on remercie Damien, on lui souhaite des très belles fêtes de fin d'année, ainsi qu'à tout le monde aussi. Mais on continue en musique, on n'a pas fini, il nous reste quelques minutes. Et donc, j'ai envie de faire gagner encore un cadeau. Allez, c'est parti. Du coup, elle est partie, Philippa, parce que du coup, on a eu une gagnante qui est venue chercher son cadeau. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? On va partir sur une question du Nouvel An, peut-être aussi. Bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a comme question pour le Nouvel An? On cherche et on revient vers vous. Oui, voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça, c'est mieux. Senhoras e senhores, ele, Del Marque! Vem, meu lindão! Não chore, não, ainda estou contigo. Eu vim aqui pra te fazer feliz. O seu peito, meu aconchego. Nos seus braços, não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está do meu lado. Não chore, não. Ainda estou contigo. Eu vim aqui pra te fazer feliz. O teu peito é meu aconchego. Com você, eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está do meu lado. Bah écoutez, on a trouvé la question et on a vu, au passage, avant de regarder les questions, il y a d'autres traditions sur les sous-vêtements, on a vu. Par exemple, c'était qu'on devait porter des sous-vêtements rouges ou jaune pour l'argent, selon les traditions. Donc, par exemple, ça apporte la chance et la prospection. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Alors, la question qu'on va poser pour faire gagner un cadeau, qu'est-ce qu'on fait gagner ? Alors, je regarde. Bon, cadeau mystère, encore. Bah oui, un cadeau mystère. Là, c'est un bon cadeau, j'avoue. C'est souvent les meilleurs. C'est souvent les meilleurs et ça... C'est pour manger des têtes de petits chocolats ou autre. On vous dit pas plus, sinon c'est trop facile pour vous pour deviner aussi. Alors, du coup, c'est que je suis un acte que beaucoup font le 1er janvier, comme promettez de manger plus sainement, faire plus de sport ou être plus organisé. Qu'est-ce que c'est et qui suis-je donc ? C'est un acte que l'on fait le 1er janvier ou avant, où on se les note, etc. Ça, on est un peu facile quand même la question, donc à vous de nous appeler au 02 38 43 48 00. Donc on répète une question, on la répète pour que tout le monde entende. Alors, je suis un acte que beaucoup font le 1er janvier ou même avant, qu'on peut en parler, comme promettre de manger plus sainement, faire plus de sport ou être plus organisé. Qui suis-je ? À vous de nous appeler. Não chore não, ainda estou contigo. Eu vim aqui. Pra quê? O segredo é meu aconchego. Com você eu não sinto medo. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber do quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brincou comigo, bagunçou minha vida. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz e quase tudo tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, o amor me deu ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher, por favor. Ah! Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Et ça a été trouvé, ça a été trouvé. On a eu une personne aussi qui t'a appelé, qui s'était trompée malheureusement, mais elle a déjà été gagnée. La boîte de chocolat a été gagnée. Donc vous pouvez quand même retenter avec une prochaine devinette. Donc voilà, si vous entendez, on vous dit, mais après, si sinon on finit pas, vous pouvez vous rappeler. Oui, je vous rappellerai. Mais voilà, donc pour la personne qui a pas trouvé la bonne réponse malheureusement, de retenter pour une prochaine question. On a encore deux cadeaux à vous faire gagner, donc ne vous inquiétez pas. Et il est déjà 49, ça bientôt ça passe. Bientôt la fin. Mais du coup la réponse c'était les résolutions. Alors du coup on va en parler des résolutions. Quelles sont tes résolutions pour 2025? Alors mes résolutions pour 2025 attends, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Alors du coup pour moi mes résolutions alors, c'était faire mon code et avoir mon permis. Mais oui, ta mamie m'en a parlé. Il faut que je te stimule un peu à le passer, le code. Mais, oui, mais ça s'approche tout doucement. Hein. Mm-hmm. C'est long, mais oui. ça va. Est-ce que tu as la motivation déjà? Non, pas vraiment. Après, c'est compliqué avec tout ce qu'on fait. Mais on va le faire. Je vais le faire. Là, je me suis dit, alors j'ai fait un pacte avec mon père. Si je ne passe pas dire réussir, mais si je ne le passe pas d'ici janvier, je dois 100 euros. Ah bah t'as intérêt à le passer. J'ai intérêt à le passer. Et t'as commencé à réviser? Mais oui, bah en vrai, je fais pas trop tant. Ah bon? C'est juste que j'ai pas été passé encore. Oui, t'as la flemme. Mais en fait, c'est que mon auto-école est un peu compliqué. Et il faut qu'il y ait un nombre d'heures, nanana. En vrai, on pourrait le passer. Si je peux aller passer ailleurs aussi. Mais tu peux le passer en candidat libre. Hein. Non, là, bah, si d'ici janvier, elle m'a toujours pas donné la date, je vais passer en candidat libre. Mais oui. Mais voilà. Donc ça, c'est ma résolution de 2025. Bah plutôt de fin janvier 2025, parce que sinon... Moi, ma résolution, elle ressemble à la tienne, mais là, c'est le permis en général. Moi, j'ai déjà eu le code, mais... Ça va. Hein. Je te fais les gros yeux en mode, fais-le aussi. Après, t'as un an de plus que moi, donc en soi, t'aurais dû l'avoir quand même avant moi. Oui. Mais non, parce que moi, j'ai des raisons plus valables, tu vois. J'en ai des valables, hein. Je travaille... Et c'est tout. Mais oui, mais dans la vie, on n'a jamais le temps de tout faire. Alors, il faut se donner le temps de faire les choses importantes. Tu vois, cet après-midi, vu que je fais rien, bah, je vais faire ça, du code. Bah, c'est très bien. On peut féliciter Mathis. Franchement, je l'applaudis. Je m'applaudis. Mais donc à vous aussi, donc de nous proposer des résolutions. Bon, nous, elles sont un peu ressemblantes, mais pour d'autres personnes, je sais pas, faire plus de sport. Oui, je pense que l'une des principales résolutions qu'on devrait tous avoir, c'est de penser à soi. Parce que souvent, on pense beaucoup au travail, on pense beaucoup, par exemple, ou même à nos études, on pense beaucoup à notre famille ou à nos amis ou aux gens qui nous entourent. Mais est-ce que vous avez déjà pensé un peu à vous avant de penser aux autres? Donc, c'est la seule résolution que je pense que je me donnerai, que je te donnerai et que je donnerai à tout le monde, c'est de penser à soi. C'est la voie du bonheur, Philippe. La sagesse. Oh, donc... Pour commencer cette belle année et donc avoir partir sur de bonnes bases, on vous offre du coup des livres par rapport à ça. Mmh. Donc sur des recettes équilibrées, un peu de tout. Oui. Et aussi pour les enfants, donc voilà. Donc ça, c'est le cadeau qu'on va faire gagner. Et la question, je l'avais tout à l'heure, mais ma question c'était... Ah oui, quelles sont les fêtes après le 1er janvier? Il y en a deux. Que je pense, bah, dans le mois de janvier, il y en a deux qui y sont et qu'on accepte les deux. Donc, quelles sont les fêtes de après le 1er janvier? Et en plus, Radio Conseil en organise une. Donc, c'est très facile pour tout le monde. On vous donne beaucoup d'indices. La dame qui était au téléphone l'a dit. Là, on vous donne beaucoup d'indices. À vous de nous appeler au 02 38 43 48 00. Si on ne connaît pas le numéro à la fin de la journée, je ne comprends pas. En fait, je ne regarde même plus, moi. Je le connais par cœur. Moi, j'ai peur de dire le numéro que tu viens de dire. Ah, voilà. Ah, ça appelle. Elle les avait tombés comme des dominos. Mademoiselle aime bien s'amuser. Elle les avait tombés comme des dominos. À quoi bon se faire des idées? C'est un soleil, mais fais gaffe à l'orage. Et on, Maria, non t'entends mais dis-moi que on. Ma jolie, jolie, arrête de les accumuler. Ma jolie, jolie, jolie, arrête de les accumuler. Elle les a fait tomber comme des dominos. T'as braqué sur elle, t'as fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre, si on finit brisé. T'as fini au sol, sol, sol. Elle en a pris. Si les hommes sont tous les mêmes, pourquoi tous les essayer? Comment veux-tu qu'elle trouve sa peur sans même l'essayer? Et elle est mal dans ses baskets. Elle nous met tous dans le même sac. Et elle nous prend pour ses affaires. Tous les jours elle change de sap. Ma jolie jolie, arrête de les accumuler, ma jolie jolie, poli. Arrête de les accumuler. Elle les a fait tomber comme des dominos. T'as dragué sur elle, t'as fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre, si on finit brisé. T'as fini au sol, sol, sol. Elle va finir contigo en la cama. T'as fini au sol, sol, sol. Elle va non liga, se non desgrana. Ma jolie, tous tes plans échoués. Tous tes vices, moi je les ai déjoués. Ma chute, je vais te laisser tomber. Ce serait mieux qu'on en reste là. Elle me dit ne me laisse pas. T'es bien que pour une restoire. C'est fini, on en reste là. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle brinca contigo en la cama. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle non liga, se no desgrana. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle brinca contigo en la cama. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle les a fait tomber comme des dominos. T'as braqué sur elle, t'as fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre, si on finit brisé. T'as fini au sol, sol, sol. Elle va brinca contigo en la cama. T'as fini au sol, sol, sol. Thank you. Já vi sapato caro a calçar pé queixoso, e já vi muitos pés descalços a sorrir. Já vi conta choruda no rosto choroso, e quem vendia tudo só para existir. O mundo em que vivemos é tão mentiroso, faz-nos acreditar que só se é feliz com visibilidade e dinheiro no bolso, e quem tem levantado mais o seu nariz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Eu só queria ter mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sou rico, irmão. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sou rico, irmão. Oh, riqueza, és um gesto nobre na sopa de pobre sem pão na mesa. A falta de luz és tu quem nos conduz com uma vela acesa. Poucas vezes é dito, mas convém saber, viver só pelo que tu é empobrecer. Tem coisas que eu evito para não me esquecer, que há algo mais bonito para poder viver. Porque vale uma mansão vazia, não me servia comprar um avião e não ter um destino. Ter joias raras e muitas caras para cada um figurino. É que a cumplicidade de um sorriso verdadeiro e uma boa amizade valem mais do que o dinheiro. Futilidade é raça e eu prefiro ser feio. Se ainda ninguém disse, lamento ser o primeiro. Guarda recordações que te deram amor e partilha lições sendo tu aprendiz. Não se trata do preço, mas sim do valor. O verdadeiro luxo é viver feliz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Eu só queria ter mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sou rico, irmão. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sou rico, irmão. Oh, riqueza. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Gente de Sora, Puerto Rico me lo regaló. Et c'est l'heure pour nous de nous quitter aujourd'hui. Yeah. C'est passé très vite. C'est passé super vite. Je regardais l'heure, je fais, oh, déjà. Déjà midi. Mais c'est vrai que c'était une très belle émission en juin et bonne humeur. Heureusement qu'on l'a pas fait quand on était malade. Hein, voilà. Oui, bah oui, parce que là, ça aurait été compliqué pour vos oreilles et pour nous. Mais voilà, on vous a fait gagner de bons cadeaux. Il nous reste encore, peut-être la semaine prochaine pour le nouvel an. Oui. Alors nous, on s'est dit on venait en paillettes, en bombe, on va dire, voilà, pour le nouvel an, bah pour le nouvel an, plutôt pour le samedi après le voilà, nouvel an. Donc s'il y en a qui viennent nous visiter, venez en paillettes aussi. Bah oui. On passera en paillettes. On donc, sera magnifique et j'espère que toi aussi Mathis, tu seras blindé de paillettes. J'ai sorti mon paillettes, faut savoir. Si t'as un petit pied à paillettes, vas-y. Bah ok, je le ramènerai. Mais j'ai un beau costume noir qu'on mettra et peut-être on fera. J'aimerais un petit peu de déco mettre pour nouvel an. Bah je ramènerai des petits ballons 25. Voilà, et moi j'ai des ballons or et noir vu que tu seras en or. En or et moi en noir. Et ben voilà, on sera parfait. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour ceux qui n'ont pas récupéré leur cadeau aujourd'hui et qui nous écoutent encore, soit vous appelez dans la semaine si la secrétaire est disponible, donc au 02 38 43 50 09. Et donc ça c'est le numéro à appeler si vous voulez venir récupérer le cadeau pour savoir s'il y a du monde. Et donc on lui mettra, on lui prépare ça. Ou sinon venir nous voir du coup le samedi prochain. Moi et Philippe, on sera là. Peut-être Christine à voir. On reviendra. On, Vous aurez sur nos réseaux sociaux la publication pour savoir qui aura nos tenues. Donc on vous prépare ça. N'hésitez pas à venir nous joindre sur nos réseaux sociaux, donc avec -radio. Et bien sûr, Radio Arc-en-Ciel sur Instagram et Facebook. Nous aussi, on est sur les deux. Et bientôt, peut-être sur TikTok aussi. On prévoit. Ah, oui. Et donc, on vous fait des gros bisous. On a été très enchantés de nous être avec vous ce matin. Oui, on s'est bien amusés. J'espère que vous aussi. Et on a fait des petites vidéos, donc allez les voir aussi. Oui, sur Instagram, vous pouvez aller les voir. Donc voilà. Donc vos cadeaux sont préparés. Et venez les chercher la semaine prochaine. Ou, dans la semaine. Dans la semaine, au 02 38. 43 50 09. On vous fait de gros bisous et ciao ciao. Gros bisous, ciao ciao. En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à C'est moi. Téléphone 02 38 22 12 22. Pour ce réveillon, venez vivre une soirée inoubliable au restaurant Le Tamariz. Préparez-vous pour une célébration exceptionnelle avec la présence du DJ Franky Salgado qui vous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Découvrez et savourez leur menu élaboré pour cette occasion. Alors réservez dès aujourd'hui au 02 38 53 14 73 pour vivre la magie du réveillon au restaurant Le Tamariz à Fleury-Zebret. Os europeus, a nível da União Europeia...